Le troisième exposé des hypothèses et conceptions du secteur de l'enseignement a eu lieu les 9 et 10 août à l'Université Kim Il-sung, en présence des professeurs, chercheurs et étudiants d'une cinquantaine d'écoles supérieures, y compris l'Université Kim Il-sung. Plus de 500 hypothèses et conceptions ont été présentées par les catégories de professeurs et chercheurs et d'étudiants dans 9 sections, y compris les sciences fondamentales, l'informatique, la biologie et l'agriculture, la chimie et l'industrie légère. À la cérémonie de clôture tenue le 10, on a conféré des certificats et remis des primes.